On va poursuivre avec. On était rendu avec les rencontres avec les extraterrestres, qui étaient en fait des rencontres avec des intraterrestres. Tu as parlé des hommes en noir, puis tu représentais un danger pour l'astral finalement. Ben, c'est ce que le personnage en question, qui était un de mes amis, me disait. Et puis après avoir évalué si j'étais satanique ou yavique, puis après avoir constaté que j'étais yavique, mais en réalité très satanique, je ne l'ai plus revu. Bon, par la suite, j'ai rencontré une autre personne. Ben non, c'est lui suivait des cours dans une école. Puis à un moment donné, j'ai fait une conférence d'ouverture au centre de l'universalité. Elle est venue, puis quand elle m'a vu rentrer, elle est partie en courant. Elle ne me connaissait pas. Une autre personne? Oui. Tu étais encore satanique ou? Non, je ne sais pas trop. Elle est partie en courant, les braguettes des airs. Puis, c'est une personne très, très avancée apparemment au Québec. Ah, mais c'est que toi, tu l'as jamais su, c'est quelqu'un d'autre qui t'a dit ça? C'est quelqu'un qui m'a dit en plus que c'était une de ses amies, celui qui est Jean Dussault d'ailleurs. Bon, il l'avait invité à l'ouverture de son centre, puis il est parti en courant quand elle m'a vu, puis lui, il est parti après, puis là, elle a retenu, puis elle est partie en courant pareil. Puis lui, déjà, il courait pas vite. Alors. Mais là, cette personne-là a eu peur de toi. Ouais, puis elle, c'était celle qui avait enseigné au bonhomme en question qui m'avait rencontré, qui faisait partie du groupe En Vol, donc on allait sur une île déserte. Refaire la société à l'époque. Et puis, c'était un des membres de l'équipage du bateau En Volion, un gros bateau qu'on avait construit. Alors, lui était un des élèves de la personne qui, elle, ne m'avait jamais vu, mais quand elle m'a vu, elle s'est poussée en courant. Et puis, moi, je me suis regardé dans le miroir souvent, puis j'ai jamais eu peur. Mais qu'est-ce qui, chez toi, fait peur? Toi, tu fais des rencontres, mais eux, ils font une rencontre, manifestement, avec probablement toi. Que je suis un grand miroir. Ce qui leur fait peur, c'est ce qu'ils voient d'eux autres. Mais c'est laid ce qu'ils voient ou? Ah, ben il y en a en tout cas qui courent. Mais tu as déjà dit qu'on a peur de ce qui est laid, mais encore plus de ce qui est beau. Ben c'est évident. Mais là, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils se poussent parce que je suis beau. C'est quoi ça? Ben oui, c'est vrai. C'est possible, mais. Ça pourrait être mal interprété. Tu comprends? Ben, je ne le dirai pas. Parce qu'il y en a qui vont dire, ça veut dire que ceux qui ne se poussent pas, eux autres, ils sont aveugles. Mais non. Mais ce qui est important, donc, c'est ça, c'est que ce personnage-là m'avait expliqué plein de choses. C'est le premier qui m'a expliqué l'un des plans des intraterrestres, l'un des plans de, disons, de colonisation d'extraterrestres à l'échelle planétaire, comment les gouvernements étaient dirigés, comment les sous-gouvernements étaient dirigés, les sociétés secrètes dans les gouvernements étaient dirigées. Et puis, il m'expliquait tout ça. On était à Sorel, puis on marchait à Sorel, puis on était espionné sans arrêt par, justement, des gouvernements. Et puis, on était espionné par hélicoptère, par bateau, on était photographié, on était suivi. En tout cas, c'est une vraie farce à faire. C'était très, très, très intriguant. Les grosses limousines qui arrivent, les pneus, comme dans les films. À croire que les gars, les agents secrets, là, ils font comme dans les films. Tu sais, c'est... Lui, il monte la garde sur le bateau à un moment donné, on était sur le Richelieu, au port de Sorel. Puis il se réveille, il était un gars intuitif au maximum, mais tout ce qui est mal, il voyait venir. Là, il se réveille, puis là, il sent quelque chose qui approche d'En Volion, qui descend sur le fleuve lentement. Puis à un moment donné, il y a un gros, gros projecteur qui s'allume, puis là, lui, il se cache, il voit. Puis c'était un bateau, un gros bateau, on appelait ça des autobus, nous autres. Les voiliers, c'est des bateaux, tu sais, à moteur, c'est des autobus. Un gros, gros, gros bateau. Et puis, tout blanc, tout bien correct, un gros bateau moteur, mais de quoi de très, très cher. Un gros projecteur qui éclairait En Volion, puis il y avait un gars qui filmait. Puis, lui, il était derrière un mât. Alors, quand il s'est pointé, bien, la lumière s'est éteinte, les moteurs sont allumés, puis le bateau s'est pris son camp. Fait que ça fait James Bond un peu. Le lendemain ou deux jours après, on est en train de faire visiter le bateau à du monde. Puis là, il y a une automobile qui arrive bien vite, un gros, gros, gros char, un style Cadillac qui freine assez sec en avant. Il y a un gars bien habillé qui débarque. Alors, il y avait Gloria, à l'époque, elle était là, elle dit au gars bonjour. Le gars ne la regarde pas. Le gars s'en va jusqu'en arrière, regarde le nom du bateau, rembarque dans son auto. Ça redécolle. Mais c'est pas trop discret, ça, si c'est un espion. Ah, à un moment donné, c'était avec un hélicoptère, à peu près, je ne sais pas au mât, mais c'était bien juste. Puis il nous suivait un grand bout de temps. Mais ça, c'est des humains. Ça, c'est des humains, mais. Humanoïdes, en tout cas. Mais lui, ce qu'il disait, le mec qui était avec nous autres, il disait, je te le dis, il faut cesser de faire de la publicité parce que tu es en train de prouver aux jeunes qu'ils peuvent changer les choses sans les adultes. Et moi, je dis, ben oui, mais c'est correct. Il disait, non. tout le monde, tu déstabilises toutes les structures sociales. Mais là, ça revient, est-ce qu'il faut parler ou est-ce qu'il faut ne pas parler? Mais c'est lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il faut ne pas parler. Moi, ce que je lui disais, c'est que plus on est connu, moins on risque de se faire taper dedans. Ce qui est vrai. Ben, c'est ce qui est vrai. Mais lui, il disait, oui, mais on n'est pas assez connu. Je sais, mais tu sais, il y a une étape entre pas connu puis connu. On dirait qu'on est toujours poigné là, dans cette étape-là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que finalement, mais c'était très, très, très, très, très intriguant, très original, très, vraiment performant. C'était pas mal bon. Il y a un gars qui devait faire dynamiter le bateau. À un moment donné, il s'est présenté à l'équipage. Moi, j'étais pas là. Ouais, je suis le gars qui se posait faire sauter votre bateau. Les gars, l'équipage en avait vaguement entendu parler. Puis un jour, il y a un gars qui se pointe et il s'annonce comme étant ce gars-là. Mais comment ça, il n'avait entendu parler, il n'avait jamais été question de ça? Ah, parce que oui, dans l'astral, il vous dire, il y avait plein de petites choses à l'époque. Et puis, subitement, il y a un gars qui se présente, puis il dit que c'était lui. Qu'est-ce que ça a fait? C'était bien. Oh, on n'a pas fait grand-chose. On était déjà saisi, fait que... on couchait plus sur le bateau, tu sais. Qu'au moins. Ben non, mais c'est il fait sauter. Mais il ne l'a pas fait sauter, c'était pas nécessaire. Mais eux autres, là, bon, c'était des humains, là, mais tu as parlé des hommes en noir. Est-ce qu'ils étaient... Premièrement, des hommes en noir, c'est qui? Les hommes en noir, là, c'est ceux qui probablement... OK, mais c'est qui? C'est qui? Les hommes en noir, c'est des humanoïdes, c'est des êtres humains ou des semblants d'humains très dirigés par les intraterrestres ou des humains qui sont manipulés totalement, éduqués, instruits, qui ont donc été kidnappés très, très, très jeunes. Quand tu es totalement rééduqué, tu programmes un humain comme que s'il n'y a pas de conscience, tu programmes comme tu veux. Et puis qui, présentement, travaille à la surface dans le but d'éliminer puis de diriger. Puis est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Ben oui, c'est sûr qu'il y en a encore aujourd'hui. Ben oui. Là, toi, est-ce que tu as fait une rencontre avec les hommes en noir ou t'ont seulement suivi ou... C'est ça que je fouille présentement, si je me suis assis à une table avec un homme en noir. Lui, il n'était pas un. Peut-être sur le moment, mais quand il était jeune, ça n'était pas un. Puis après, ça n'était pas un, mais ça se peut que ça en était un à l'époque. Quoi, celui qui était avec toi sur le bateau? Moi, celui qui m'expliquait bien gros qu'il fallait que je fasse rien dans le style le bon homme en noir, tu sais, qui vient te dire de ne pas le faire parce que ça en sort dans ta gueule. Vous savez, il y a les romans, les films, etc., c'est souvent tiré de faits réels, de faits vécus. Et nous, on regarde tellement de films qu'à un moment donné, quand on voit la réalité, on dit crime, la réalité dépasse la fiction, c'est faux. La fiction a toujours été à la hauteur de la réalité, puis la réalité ne dépasse pas la fiction, la réalité, c'est la réalité. Bon. Quand on explique après ça ce genre de choses-là, les gens ont de la difficulté à croire. Par exemple, vous avez vu des émissions comme Chip, émission de police, Autopatrouille peut-être pour d'autres, puis il y a eu, pour les plus vieux encore... L'enquête du bidon. Bon. Je sais pas c'est quoi ça, mais en tout cas, c'est long, je me pose en tête. Mais. c'était le rôle de nom. Mais quand Michel Lasserre, qui est policier, raconte un peu ce qui se passe, les gens, c'est tellement pareil. Bon. Puis lui, il est simple policier en plus. C'est à peine s'il n'est pas limité à diriger la circulation. Prends un détective ou un agent double, ce qu'il vit, c'est identique à ce qu'on met dans les films. On tire ça là-dessus, on base ça là-dessus. Les agents secrets, c'est la même chose. Puis, à peu près tout ce qui se passe. Fait que nécessairement, moi, si je compte un peu ce qui s'est passé dans ma vie, puis je compte très minime, là, ça fait souvent bizarre. Quand j'explique à des gens à l'époque d'Envolion, quand on a été suivi, quand on a été démantelé par la GRC, avec des agents doubles, avec du bon monde qui sont fait ramasser, un là-dedans, c'est le fils de l'ex-sous-ministre des Finances. Du Parti québécois, parce qu'il y avait, en tout cas, tout un amanchure, on fait un scénario avec ça, là, puis c'est extrêmement, extrêmement intéressant. C'est tout vrai. Avec la quantité de gens qui nous sont parachutés à un moment donné à travers le groupe, là, les individus à un moment donné qui sont parachutés là, ils viennent avoir un héritage, ils arrivent comme ça subitement, puis là, ils nous donnent de l'argent, puis quelques années après, c'est lui qui poursuit, puis finalement, l'avocat que le gouvernement va y prêter, c'est le meilleur avocat en droit naval au Canada. Tout un amanchure. On est le premier, on a été la première équipe. C'était un bateau privé qu'on avait. On partait refaire le monde sur une île déserte en Polynésie. Puis subitement, on a été reconnu navire canadien. Donc, on n'avait pas besoin de mettre un numéro. Vous savez, les bateaux, souvent, les embarcations, il y a un numéro après la cote. Nous autres, ce n'est pas nécessaire. Juste le nom Envolion Montréal, c'est un navire canadien. Ça veut dire qu'on était donc régi par le fédéral, non pas par le provincial. Ça veut dire que partout dans le monde, j'étais ambassadeur du Canada, sauf quand on était accosté. Nous, on s'est dit, c'est génial. Ça veut dire que, tu sais, c'était énergétiquement, c'est bon signe. Par contre, c'était la seule façon pour le fédéral de nous empêcher de partir, c'est de nous poursuivre pour nous inculquer de vol, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a donné de l'argent, hein, plusieurs milliers de dollars, sans signer de papier. Mais au provincial, un prêt sans papier est nécessairement un don. Donc, un don sans papier, c'est un don. Mais au fédéral, un don sans papier est nécessairement un prêt. C'est pas les mêmes lois. Non. Alors, pour être poursuivi au fédéral convenablement, il fallait que notre navire soit canadien. Mais toi, tu veux dire que c'est digne d'un mais nous, très on bon est, on, notre navire est devenu canadien. Mais nous, on pensait que c'était bon signe. Mais c'est pour ça qu'ils nous ont ramassés. Puis le gars, lui, c'est du monde qui l'ont convaincu de nous poursuivre. Du monde. Puis finalement, il ne connaît personne. Il ne connaît pas d'avocat. Il n'y a pas d'argent. Ils en ont fourni un. Qui? Qui? Puis quand j'ai rencontré un avocat très, très puissant, de l'avocat d'un de mes beaux-frères, un chum à lui, quand on l'a rencontré, il a vu les papiers, il a vu le nom de l'avocat qu'il poursuivait, puis il a dit, écoutez, ça, c'est, il y a trois meilleurs avocats en droit maritime au Canada. C'est un des trois. Fait que moi, je ne peux pas vous défendre contre lui. C'est perdu d'avance. C'est un petit bonhomme-là qui nous poursuit, qui ne connaît rien. Bien, il se trouve que son avocat, c'est un des meilleurs avocats en droit maritime au Canada. Mais est-ce que lui a rencontré des hommes en noir? Ah bien, lui, total. Il l'a jamais su. Pourquoi? Parce qu'il y avait une forme humaine, c'est pour ça qu'il ne l'a pas su? Bien, exactement. Mais en tout cas, il a rencontré au minimum des émissaires, il a rencontré du monde, tout était parfait. C'est parfait, parfait, parfait, parfait. Nous ont nous envoyé un avocat qui débutait. Mais c'est un très bon film. L'avocat qui nous a envoyé, à un moment donné, j'ai demandé, t'as-tu déjà été dans une cause? Il dit, oui, une cause pour meurtre. T'as-tu gagné? Il dit, non, j'ai perdu. J'ai passé la moitié de l'après-midi au palais de justice dans les marches à broyer. En plus, c'est typiquement le gars. Mais en plus, l'avocat tout croche, là, avec de la moutarde, assis dans les marches au palais de justice, à broyer à chaudes larmes, parce qu'il est sûr que c'est un innocent qui est dans la prison. Sa deuxième ou troisième cause réelle, c'était nous autres. Il n'avait jamais été au fédéral. Il dit, je ne sais même pas si on dit votre honneur ou une autre affaire. En tout cas, il ne savait rien. Mon il dit, je ne sais même pas s'il faut que je mette une toge ou pas. Il n'avait jamais été là. Puis ce gars-là, il est allé là, puis comme dans un spectacle, en tout cas, on a gagné à plat de couture. Lui aussi, il a été parachuté. Bang, bang. C'est parfait. Puis les individus qui nous l'ont amené, des individus sont disparus dans la rue. Mais lui, parachuté. Parfait. Puis il y a plein, plein de choses. Quand on regarde... Mais toi, tu dis des individus qui l'ont amené perdu dans la brume, c'est tout de même pas des hommes en noir? Non, ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est qu'il y a des mécaniques qui sont extrêmement intéressantes. J'ai écrit, quand j'étais jeune, un livre, « Il n'y a pas d'autres terres, il n'y a pas d'autres hommes ». Puis quelque part, à l'intérieur, vers la fin, il y a moi, qui explique à Samuel, un petit jeune, qu'on est entouré d'alliés. Bon, puis là, c'est spirituel, la façon dont c'est compté le livre, c'est un espèce de petit poème. Puis derrière chaque arbre, derrière chaque maison, il y a même du monde qui vont devenir malades uniquement de façon à ce qu'on puisse les guérir. Pour pouvoir prouver au reste de l'humanité à quel niveau se situe la force de la guérison. Donc, tu sais, il y a même du monde qui vont devenir malades. Alors, effectivement, il y a dans l'histoire, dans la vie, dans notre cauchemar, dans notre rêve, il y a énormément de phénomènes alliés qui ne sont pas... Quand l'humain se dit « Pourquoi ils veulent m'aider? » Bien, c'est ça. Si c'est moi qui viens de l'avenir, si c'est toi qui viens de l'avenir, tu me connais, etc., il y a toute une mécanique qu'ils vont expliquer. Mais les gens vont l'expliquer spirituellement souvent. C'est parce que c'est des entités qui nous aiment, c'est pas ça. Mais quand on regarde le parachutage complet, des anomalies temporelles, où à un moment donné, j'achète une automobile qui est toute vieille, qui est toute paf, paf, paf, qui ne marche plus, puis du moment que je l'ai, elle fonctionne à merveille, puis chaque fois que quelqu'un qui n'a pas d'affaires dans ma vie embarque dans mon automobile, elle marche mal. Il n'y a rien qui fonctionne. L'autre débarque, puis ça se met à marcher, puis on s'en va. Plein de petites choses comme ça. L'usine où on faisait le bateau, le ménage se faisait tout seul régulièrement. Mais on entendait les outils se placer. On descendait en bas, il n'y avait plus rien. Bon, alors montant haut manger, on entendait du bruit. On descendait, puis là, il y avait des tournevis placés dans les places. Tu sais, là, tu te dis, c'est ça. Mais ça, c'est pas des individus. Comme les hommes en noir, c'est vraiment des humanoïdes, c'est des individus. Oui, ça fait partie de tout ce que l'humain refuse. Mais les hommes en blanc, il n'y a pas d'hommes en blanc. Oui, disons les hommes en blanc. Mais c'est pas des. Il faut faire attention, il ne faut pas spiritualiser. Là, moi, j'utilise un langage humain. L'événement est vrai. T'sais, le langage qu'on emploie, par exemple, les hommes en blanc, disons les hommes en blanc. Mais ça n'existe pas, il n'y a pas d'humain. Là. Non, il n'y a pas d'humain. Par contre, il y a effectivement une mécanique très intéressante qui gère suffisamment les êtres humains suffisamment purs. Que tu sois intelligent, que tu ne le sois pas, si tu n'es pas égoïsé trop, il y a quelque chose qui t'aime. Quand je parle qui t'aime, qui a un intérêt à faire en sorte que tu restes pur. Mais la face. Évidemment, il y a tout un mancheux qui intéresse que tu deviennes. Mais c'est ça, mais c'est que c'est plus compliqué quand ça n'a pas deux bras, deux jambes, oui. Une face. Pourquoi qu'il n'y aurait pas des hommes en blanc, vraiment? Tu sais, tant qu'à. Par contre, c'est beaucoup plus difficile, pas en tant qu'être expérimenté, c'est beaucoup plus difficile de tomber dans le piège de la religion, de l'adoration ou du disciplinat quand tu te fais aider par rien. Plutôt que quand tu rencontres un être en blanc qui traverse le mur, qui vient sur son côté de toi et qui te dit « Écoute, va pas là-bas. » Il y a des grandes chances que tu n'ailles pas là-bas. Bon. Mais tu ne sauras pas pourquoi. Il y a des dangers. C'est évident que cette année, moi, j'ai à peu près à 97% sûr rencontré des êtres comme toi et moi, mais qui proviennent du temps. Et j'en ai rencontré souvent, mais à travers des voyages séraphiques. J'allais les visiter, donc dans leur monde, je ne suis pas aussi tangible que dans le mien. 93, c'est probablement certain que je vais rencontrer des êtres qu'on a contact physique. On pourra partager nos Saint-Saëns, nos bides. Mais là, allez-vous parler, là? Si on va parler? Oui. Oui, oui. Mais avec la bouche, je veux dire, ça va être vraiment comme dans notre monde à nous, là. Ça devrait. Oui, oui, oui, oui. C'est évident que ça va arriver, puis c'est probablement 93, mais c'est très sûr, c'est évident que ça va arriver. Bon. J'ai même des mémoires de ces contacts-là. Puis c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Dans le temps, là, mais j'ai les mémoires. Oui. Mais c'est ça autre chose. Mais ça, oui. On est entouré, donc, on parlait d'extraterrestres de l'époque. Tu parlais toujours de l'avenir, pas toujours, mais là. Je te raconterai les histoires de l'avenir une autre fois. Quand ça sera passé? Ça. Non, mais quand ça va être assez plutôt. Mais pas quand ça sera passé. T'sais. Mais là, ce qui est important, donc, c'est ça, c'est que l'humain en rencontre fréquemment, puis il se passe. C'est que notre problématique, c'est que vous autres, vous croyez trop facilement ou pas du tout. Ça, c'est un ou l'autre. Oui. Alors, à un moment donné, moi, je sais que des êtres, bon, je suis entouré de mécaniques, de phénomènes. Comme quand on regarde ici dans la salle, le moindrement, vous avez un troisième œil un petit peu émancipé, vous voyez que c'est bourré de monde qui n'ont même pas payé leur place. Bon. Le moindrement, quand tu es émancipé un petit peu au niveau de la vision, c'est le troisième œil. Ce qui arrive, c'est que les gens y croient trop en ce sens qu'à chaque fois que va leur arriver quelque chose, ils vont penser que c'est un homme en noir, c'est un intraterrestre, que c'est un bon, ou encore que c'est un guide, que c'est eux autres qui étaient venus faire en sorte de rendre ce tu sais, bon. Mais c'est ça qui est compliqué de parler. Oui, mais à un moment donné, il faut en parler quand même. Il faut dire ces choses-là parce que ces choses-là sont vraies. Tu viens pour boire encore ton coke, puis en le prenant, tu le renverses. Ah, c'est peut-être moi qui est venu me renverser le coke pour ne pas le prendre. C'est pas ça. Peut-être, mais c'est pas ça. Ça, c'est du trip. Non, c'est de la saveur. Les gens croient trop facilement ou les gens finissent par tout refuser. Puis, tu ne peux pas, en tant qu'être intelligent, refuser l'irréel tout en acceptant l'amour, la pensée, la haine. Tu sais, ça, c'est vrai. Tout ça fait partie du même monde. Sauf que ça fait partie d'un monde qui est, avec lequel on est plus habitué, avec lequel on a plus d'expérience. Bon. Mais il y a effectivement toute une phénoménologie complète qui aide l'être pur dans l'astral, pas l'être intelligent, l'être pur. Donc, il est pur, il est beau, bobo, il est pur, là. Il y a un paquet de phénomènes qui vont vouloir le garder pur et il y aura tout ce qu'il faut pour l'empêcher d'être pur. Bon. Si tu es intelligent, tu auras les phénomènes de te garder pur, si tu es intelligent et pur, et tu auras en plus l'intervention de phénomènes transtemporels. Puis, nécessairement, tu auras le contact, surtout si tu as la possibilité d'altérer la condition sociale, ce qui est mon cas, puis c'est le cas de quelques autres, bien, nécessairement, tu seras entouré des mécaniques qui vont essayer de te limiter. Bon, donc, ce que tu dis, c'est que dans l'astral, il y a quelque chose de prévu pour aider, c'est vraiment c'est astral, oui. Ceux qui sont purs. Oui. Donc, on peut se servir de ça. Bien, c'est évident. Mais on dit tout le temps qu'on ne peut pas se servir de rien. Mais non, moi, je dis toujours qu'il faut se servir de l'astral. Mais l'affaire que c'est que les gens y croient trop facilement. Donc, ils commencent en l'histoire dans des spiritualités, dans de l'occultisme, dans de l'ésotérisme, dans de la magie. Ou ils ne croient pas du tout. Ce sont ceux qui font partie de la religion mentale, les mentalisateurs, mentalisatrices. Eux, ils n'y croient pas. Ben moi, je crois, hein? Puis l'astral, il n'y a rien qu'à manger. Puis en plus, bon. Comme je dis souvent, les camions qui foncent dessus, « Ah, j'y crois pas! » Ça ne change rien. Paf! Tasse-toi. C'est pas une question de croyance. Bon. Puis à un moment donné, ben il y a un camion qui se promène sur la rue. « Ah, il me fonce dessus! » Tu sais, tu le vois venir, mais la rue, elle tourne. Relax un peu, là. Il ne fonce pas dessus. Là, ça donne que dans la conjoncture visuelle, tu as l'impression que... C'est comme quand tu vas en auto, là, puis il y a une montagne dans le fond, là-bas. Tu sais, ben, mon frère passe ça. Approche. À un moment donné, tu s'en vas de même, tu sais, puis ça monte là, puis tu sais, tu traverses. Mais au départ, tu es là, mais... Et attends, ça n'a pas de sens, ça, c'est une montagne là-bas. Et, attends, attends. Bon, les gens croient trop facilement ou les gens ne croient pas? En majorité des cas, c'est ce qui va arriver. Il faut, c'est pas de jouer avec, c'est là. Puis ce qui est dans l'astral qui aide ceux qui sont purs, c'est quoi? C'est-tu dans l'astral supérieur? C'est pas grave. Il y a effectivement des mécaniques astrales qui ont des tendances à conserver ce qui est pur. Et il y a des mécaniques astrales, la majorité. La mécanique infantile, les mémoires infantiles dans l'astral essaient de conserver ce qui est pur. Les mémoires des adultes essaient de détruire tout ce qui est pur. Mais pourquoi je te dis ça? C'est que souvent quand... Oui. Ben oui. souvent ce qui est... Ah, il y en a moins, il y en a pas. Mais oui, il s'est mis une chemise blanche, pas que ça paraisse. Souvent, ceux qui, quand on devient intelligent ou qu'on se conscientise, souvent ça a l'air comme on n'a plus d'alliés, plus personne à qui parler, plus on est tout seul. On ne peut pas être en relation avec rien. Tandis que ceux qui sont du bord du noir, ben ils ont des hommes en noir qu'ils rencontrent, ils sont en relation avec des choses. Oui, effectivement, plus tu travailles pour les forces obscures, plus c'est prouvable, plus c'est intéressant, plus tu rencontres du monde, plus tu rencontres des extraterrestres, des intraterrestres. Plus il se passe de quoi de tangible. Plus il se passe de quoi. Alors que ça te mène nulle part. Tu restes là, tu restes assujetti. Et si tu travailles avec toi, on n'a pas de force blanche, là, on spiritualise, ben c'est là, mais ça paraît moins. Pourquoi? Parce que les forces du noir ont un intérêt majeur à faire en sorte de se prouver à toi pour t'y suivre, tandis que ce qui fait partie de l'intelligence ne veut justement pas recréer de spiritualité. Donc, ça ne se pointera pas comme ça. Par contre, ça crée un vide astralement. Ben, ça crée un vide astralement, mais du point de vue de l'intelligence, le monde de l'astral appartient à l'astral. Moi, quand je vais rencontrer des êtres transtemporels, ce ne sera pas pour paniquer. Non, mais là, tu vas en avoir une relation, par exemple, avec eux autres. Oui. Oui, mais ça va être concret, ça va être un ami, ça va être... Ils ne sont pas tout seuls dans ton coin en train de sécher. Mais je ne suis pas dans mon coin en train de sécher. Non, je sais, mais il y en a plusieurs. Oui, mais toi, tu veux t'abreuver à un contact. Moi, je veux m'abreuver à un contact? Oui. Ben oui. Mais pas moi. Mais c'est... Moi, je veux que les choses avancent, oui. Il faut que les choses, les contacts se fassent. Puis c'est stupide que les contacts ne se fassent pas. Oui. Ça, c'est mon intérêt. Bon, alors nécessairement, les contacts vont se faire. Bon, si ça aura un paquet de résultats secondaires intéressants, ça va. Par contre, toi, dans ton cas, mentalement, non, mais dans ta vie, oui, les résultats secondaires font partie de ta priorité. Alors, c'est pas le temps qu'ils viennent se pointer là. Non, mais je te parle, les gens ont un corps astral. Les gens? Les conscientisés. Oui, OK, comme toi, oui. Oui, ont un corps astral. Oui. Non, mais souvent... Non, mais ce corps astral-là, quand tu vas rencontrer un être transtemporel, avec un corps astral qui a besoin d'être alimenté, le corps astral qui a besoin d'être alimenté, ça reste un corps astral spirituel, qui a besoin d'une preuve tangible pour être capable de raffermir le peu d'amour qu'il a pour lui-même. Toi, là, tu as besoin de rencontrer un être transtemporel uniquement pour être capable de t'ajuster dans ton amour propre. Alors que moi, j'ai besoin de rencontrer un être transtemporel pour faire avancer cet événement. Pas pour m'ajuster dans mon amour propre. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, là, ça ne change rien à ce qui me concerne. Mais moi, c'est pas tout à fait ça, je voulais dire. C'est pas ça que tu veux dire, mais c'est ce que tu vis. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui se conscientisent, là, pour qu'ils s'organisent, qu'il y ait une ambiance astrale intéressante, ils ont juste à le faire entre eux autres, tout de suite. Bon, c'est entre les humains. Mais oui. Tu vas rencontrer, ben exactement comme par exemple, nous autres, on se dit, il faudrait qu'on s'unisse toutes les ethnies planétaires. Là, on ne peut pas être heureux. On peut être japonais. Tu sais, c'est pas vrai. On peut être très heureux, puis quand tu rencontres un japonais, c'est logique, ça accomplit le reste des choses, mais tu n'es pas à la quête d'un japonais. Moi, je ne suis pas à la quête d'un transtemporel, parce que, un, j'en ai rencontré, tu peux peut-être dire c'est un avantage, bon, c'est possible, mais je n'ai pas de problème. J'ai été opéré d'ailleurs par eux autres, ben, par eux autres, par des amis que je connais ailleurs, là, mais qui ont fini par me retrouver. Attends. Et puis, je ne veux pas rencontrer un être transtemporel. Moi, j'ai pas besoin de rencontrer un aéronef uniquement pour pouvoir me dire, asti, ça existe. Tu sais, j'ai pas besoin de ça pour ça. Non, ça je comprends. Alors que même les conscientisés ont besoin d'en rencontrer un pour pouvoir se dire, ça existe. Moi, je parle des conscientisés que « Ah, ça c'est niaiseux, ça c'est plate, ça sert à rien. » À un moment donné, ils sont dans un vide astral. Oui, mais même s'ils rencontrent des transtemporels, ils vont poser des questions. Peut-être après, vous autres, il y a quoi? Ça sera pas long. Non, ça je comprends. Bon, fait que c'est pas, l'idée n'est pas là. Mais de toute façon, ça revient à la même chose de dire qu'entre eux autres, ils doivent vivre des relations pour asseoir leur corps astral. Ça, c'est évident. Mais il faut que l'humain le fasse aussi, là. Exactement comme si, à un moment donné, toutes nous autres, ici, on finit par être suffisamment centrés au niveau du corps astral. Donc, astralement, on est suffisamment nourri, il n'y a aucun problème. Puis la question, c'est, allons-nous rencontrer un autre groupe de têteux, là? On va se poser ça comme question? Ouais, disons qu'il y aurait un autre groupe, là, bien correct, là, mais eux autres sont assoiffés astralement. OK, bon, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est vrai. Bon, tu es la première à dire non. Oui, c'est vrai. Et vu que c'est parti des têteux, tu es la première à dire oui. Tu devrais venir. C'est ça, mais c'est, là, effectivement, tu rencontres le moins têteux. Merci. Fait que ces choses-là sont là, elles sont vraies. Mais ce qui est important pour l'humain, c'est d'accepter d'ouvrir d'autres sens, puis d'accepter de voir que ces sens-là sont vrais. Ce que les sens t'amènent n'est pas toujours vrai. Ce que l'œil t'amène n'est pas toujours vrai. Mais l'œil t'amène de quoi? Tu sais, il y a une base. C'est l'illusion qui est réelle. L'illusion, là, elle est réelle. Tu sais, un coup de marteau illusoire sur une tête illusoire, ça donne un mal illusoire. Ça, c'est réel. Bon, il faut que l'humain comprenne le principe. Alors, l'humain, il se limite à une certaine longueur d'onde de l'illusion. Et le reste, il exclut. Mais même s'il vit des choses, parce qu'il y a aussi, bon, il y a ça, puis en plus, le fait que, toujours la problématique, même si tu le refuses pas, est-ce que je vais en parler ou est-ce que je n'en parlerai pas? Bon, ça, c'est, il faut que ça finisse là. Il faut absolument, j'ai compté un peu mes histoires, pourquoi? Uniquement pour que vous soyez un peu au courant des choses qui arrivent. C'est un petit bout de rien du tout. Mais le gros du phénomène, c'est que les gens doivent cesser, vous autres, là, cesser de vous interdire au minimum de vous en parler, donc de vous remémorer des choses. Et vous devez cesser de vous interdire de le communiquer. C'est sûr qu'il y en a qui vont le communiquer pour s'en vanter. Et il y a tout un ajustement qui doit être fait. Et tu ne communiques pas pour t'en vanter. Si tu t'en vantes pour l'instant, je m'en fous. Je te dirais que tu t'en vantes, mais l'important, c'est que si les gens ne parlent pas de ce qui se vit à l'extérieur du traditionnel, ils se limitent. C'est très compliqué. Non seulement ils se limitent, mais en plus, ils se désinforment. Non, c'est surtout ça, c'est encore pire. Bien, c'est en tout cas, c'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, tu leur amènes de l'information qu'ils ne peuvent pas absorber parce qu'ils ne sont pas à cette longueur d'onde-là, parce qu'ils ont toujours fermé ces capteurs-là. Même, ils peuvent venir totalement con. Oui. Il y a eu des soucoupes volantes qui sont passées au-dessus de ma tente, moi, régulièrement. Hein? Des petites, des grosses, que ça couvre, en tout cas, des grosses. On parle de quelques centaines de kilomètres, de diamètres. Des grosses. Et puis, je ne suis pas seul à les avoir vues, je ne suis pas seul à les avoir entendues, mais ça ne change rien. Moi, je sors, je suis le seul à la voir. Ce que j'en conclue, c'est qu'eux autres ne peuvent pas la voir. Mais alors qu'un humain, il sort, il est le seul à la voir, qu'est-ce qu'il en conclut? C'est qu'il y a des hallucinations. C'est typique de l'humain. S'ils sortent à 15, ils vont conclure qu'ils ont 15 hallucinations. Ou même, en tout cas, ce qui nous concerne, souvent, on va le voir, mais 6 mois plus tard, on n'est plus sûr. Parce que tu n'en parles pas, parce que tu le refuses, parce que tu ne le crois pas. À un moment donné, on parlait tout à l'heure, il y a une personne qui a vécu certaines choses, elle compte son histoire, puis l'autre, elle aurait donc aimé ça, vivre ça. Après ça, si elle qui compte son histoire banale, elle trouve que son histoire est banale, elle aurait donc aimé vivre et faire de l'autre. Mais ça, c'est bon, mais à un moment donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu vis ne vaut pas de la merde. toujours, ça revient toujours à se médiocriser. Tout le temps. Si moi, je vois quelque chose, ben moi, ça a moins de valeur. Si mon chum voit quelque chose, ben ça a moins de valeur parce que c'est mon chum. Si c'était pas mon chum... Si c'est un inconnu, ça a un peu plus de valeur. Si c'est un inconnu, ça en a encore plus. Puis plus il vient de loin, plus c'en a. Quand un extraterrestre va venir vous dire, j'ai vu des extraterrestres, vous allez le croire bien plus que moi. Tu sais? Parce qu'il vient de loin. Ça, c'est à partir de nous, ça, c'est de ne pas se médiocriser, nous autres. Oui, maintenant, il ne faut pas croire facilement. Moi, c'est ça, parce que là, il y en a qui vont dire, bon, il y en a d'autres qui vont partir sur l'autre côté, qui vont faire des conférences. Moi, c'est comme, par exemple, je m'en vais dans le bois avec une personne, une nouvelle, là, puis là, j'ai initié un petit peu à tout ce qui vit dans le bois. Puis là, elle se promène, à un moment donné, il y a des entités qui la suivent, qui la traînent dans le bois, puis il y en a des arbres, ça se passe, ça rit d'elle, elle se tourne. Puis là, elle vient me voir, puis là, il faut qu'elle me compte de tout ça. Tu sais, écoute. C'est comme si tu n'avais jamais vu ça, un maringouin. Là, tu rentres dans le bois, puis il y en a plein. Dis-moi que tu as vu des maringouins, mais ça finit là. Tu compte-moi pas tout ce qu'on fait. Tu sais, il y a un maringouin qui est venu sur moi, puis il a voulu me piquer, puis c'est vrai, hein? Ça fait mal. Là, je l'ai ôté. Il y avait un autre qui est passé là, puis un qui... Tu sais, wow! Bon, ça fait partie des mécaniques naturelles. Ne faisant pas un plat. Oui, mais il y avait une espèce de grosse bébite. Oui, il y en a. Il y en a. Tu sais? Oui, mais elle volait. C'est sûr. Hey, relax. Mais l'humain, quoi, il capote. Ou bien non, il embarque pas. Ça. Il n'arrive pas à gérer l'affaire entre les deux. Il y a du monde assis ici, en avant, là. Il y en a même qui vous regardent. Il y a du monde. Il y en a. Et là, vous dites, oui, mais je le vois, mais pas de mes yeux. Écoutez, le cerveau est limité à une longueur d'onde. L'oreille voit, perçoit une autre longueur d'onde. J'entends pas avec mes yeux, donc c'est pas vrai. C'est la même maudite affaire. Après ça, je ne sens pas avec mes yeux puis avec mes oreilles. Je sens avec d'autres choses. Et je goûte avec d'autres choses. Puis ce que je touche, la sensation... Mais je vois bien. C'est éclairé. Hein? Je vois éclairé. Une nouvelle, ouais. Mais, Puis en même temps, je vois que c'est noir. Ben c'est ça, c'est parce qu'il y a deux sens qui opèrent en même temps. Il y a deux sens qui opèrent en même temps. Un qui opère dans les yeux, le visuel au niveau des photons, c'est noir. Il y a un autre sens qui opère à un autre niveau totalement différent, comme par exemple, si tu as une lecture infrarouge, tu vois la chaleur des corps, tu vois un paquet de choses, mais si tu regardes avec un œil avec un lecteur infrarouge, l'autre œil avec ton œil ordinaire, tu vois du noir mélangé avec de l'infrarouge, puis dépendamment si ton cerveau donne priorité à quel œil, tu vois presque plus rien, tu vois juste l'infrarouge, c'est mélangé. Bon, ben c'est la même chose. À un moment donné, moi, je vois par perception vitale, je vois la luminosité des arbres, les animaux qui se promènent, je vois une personne là-bas au fond, puis en même temps, c'est tout noir subitement, je vois rien, puis hop, je le vois, puis je le vois plus, puis je le vois, mais je le vois plus. J'ai deux sens. Et plus, moi, je vais m'habituer. C'est pour ça que je vais te dire, c'est clair comme en plein jour. La première fois que les gars, les soldats ont mis des lunettes infrarouges, ils se disent, crème, on voit comme en plein jour. Et si tu regardes là-dedans, t'as jamais vu ça en plein jour, toi. C'est juste des couleurs, du bleu, du mauve, du rouge. Oui, c'est pas ça. Ouais, OK. C'est comme en plein jour. Mais comme ils ont des lunettes, ben. L'idée, c'est qu'ils peuvent se promener sans se taper à la face ces arbres, comme en plein jour ils le feraient. Mais sa vision n'est pas une vision colorée comme on l'a en plein jour. Quand on voit des choses dans la nature, c'est la même chose. Je vois quelque chose, c'est plus là. Là, tu le vois avec les yeux. C'est là, tu le vois avec ton corps astral, avec ton corps vital. C'est plus là, tu le vois avec tes yeux. À un moment donné, tu le vois qui disparaît. Bon, après ça, tu le vois, il n'est plus là. Tu le vois disparaître dans ton corps vital, tu le vois avec tes yeux, il n'a jamais été là. Mais l'humain n'étant pas capable d'accepter tout l'univers qui l'entoure, on est limité, là. Ah, ben non, on est... C'est trop gros. On est limité avec nos sens. Tout le reste est là. Les hommes en noir se présentent, ce sont des phénomènes qui sont existentiels, qui peuvent à un moment donné apparaître tellement puissamment dans ta lecture vitale que tu es convaincu de le voir avec tes yeux. Bon, tu as parlé avec quelqu'un, une fois ou quatre qui l'ont vu, puis finalement, mais personne n'a vu rentrer. Personne n'a vu ci, personne n'a vu ça. Non, ceux qui n'étaient pas dans une atmosphère énergétique particulière pourraient avoir un corps vital ou astral suffisamment en relation avec le bonhomme, l'auront pas vu. Tout le monde peut l'avoir vu, il peut être carrément matériel. Mais même si tout le monde l'a vu, là, souvent ce qui arrive, c'est que, mettons, on est simple, puis on a vu un homme en noir, mais vitalement. Après ça, il y a un des cinq qui raconte ça, puis l'autre devient gêné à l'entendre parce qu'il se dit... C'est la médiocratie, il n'est pas sûr d'avoir vécu ça. C'est ça, puis il se dit, mais c'est parce que c'est pas autant. Ouais. Puis il va dire, pourtant, c'est tout vrai ce que tu as dit. Mais c'était pas autant que ça. C'est ça. C'est ça. Puis il dit, les autres... Je me promène la nuit en courant, là, pas de lunettes, rien. Puis il fait noir, noir, noir, puis j'évite tout. Puis là, on est 15 à courir dans le bois, puis on ne suit pas, là. On est 15 à travers la forêt. Puis après ça, crime, on voyait bien. Ah oui, on voyait. On est tous d'accord. Là, tu vas compter ça en conférence. On se promenait dans le bois la nuit, on courait, faisait noir, noir, noir, puis on voyait clair. Là, ouais, on voyait clair, tu sais. Pas tant que ça, tu sais. On se frappait sur rien. Ouais, mais ça, c'est à cause qu'on faisait attention. Mais comment en plein jour? Qu'on court dans le bois en plein jour, il faut que tu fasses attention aussi, parce que tu une cheville, tu tapes la tête. J'en connais qui courent dans le bois en plein jour, qui se trouvent une cheville, tu sais. Bon, j'en connais au moins. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est que ce qui va être expliqué par la parole est vrai. Et là, la personne a un peu nuancé. On ne voyait rien. Mais à un moment donné, on savait qu'il y avait une branche, mais on ne le savait pas. Fait que là, on se penchait parce qu'il y avait une branche. Mais on ne le savait pas. Mais on le savait. T'sais, on la voyait, mais on ne la voyait pas. Mais là, ça ne donnera pas une meilleure idée dans le fond. Bien, voyons donc. En réalité, c'est pas ça. C'est que tu voyais. Mais pas avec tes yeux physiques. Bon, mais ben, dis-le donc clairement. Les extraterrestres, j'en ai rencontré physiquement, j'ai été suivi, j'ai rencontré des humanoïdes, des intraterrestres. Les intraterrestres, je les ai suivis à la piste souvent, ça creusait et me suivait, puis en réalité, mais moi, je les entendais venir. J'en ai vu physiquement. Il y a d'autres personnes dans la salle ici qui étaient là à un moment donné, ils en ont vu des intraterrestres physiquement. Tu as vu des intraterrestres physiquement? Oui. Il y en a ici qui en ont vu des intraterrestres physiquement. Bon, ça ressemblait aux oursons d'OIW, à un moment donné, là. Bon. Mais ça, c'était un intraterrestre, c'était deux. C'est des intraterrestres. C'est, oui, mais je les ai vus, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Ils ne sont pas vus de cracher au visage, là. Ils ne t'ont pas laissé une trace tangible, une cicatrice, un bras coupé. Tu as vu des bonhommes s'en venir, ils t'ont vu, puis ils sont poussés. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et as-tu vu un autre? Jamais. Pourquoi? Ben, parce qu'elle est encore ton bras, tu sais. Là, quand il t'a massacré au complet, là, tu penses le vieux. Mais moi, j'aime mieux les voir à distance. Alors, j'ai vu des secours volantes en masse, puis j'en ai vu des très, très, très, très, très. Bon, parce qu'ils m'ont frappé, tu sais, paf! Mais là, quand tu as vu les intraterrestres, là, comment ça s'est passé? Quand je les ai vus? Oui. C'est passé par là. Moi, j'étais dans le bois, dans ce coup-ci. C'est toujours dans le bois que tu les as vus? Non. J'ai déjà été sur la plage, dans le bord de la mer, des places comme ça. J'en ai jamais vu en ville. Puis quoi, ils ne se tiennent pas en ville ou... Mais non, je n'ai jamais vu en ville. Tu as vu un punk, toi, en ville? Ben oui. Un vrai punk avec des clous, là. Oui, oui, oui. Oui, bon. Tu as vu un gars, pas de jambes en ville? Je m'en souviens plus. Non, ils ne se tiennent pas en ville. Ça, je n'ai pas vu. Écoute. Je sais pas, il y aurait plus. Tu as vu... Il y a du monde qui ont déjà vu ça, un orignal en ville? Bon, veux-tu dire qu'ils se tiennent en ville? En tout cas, cette fois-là, hein? Bon, ben voilà, ben, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu, c'est pas parce qu'ils ne tiennent pas en ville. Bon, là, tu les as vus, là. Ouais. Mais tu les as vus passer ou... Non, on s'est rencontrés, là, puis on s'est poussés. Les deux? Les six. Pourquoi t'as rencontré? Il y avait une gang qui s'en venait. C'est ça. Mais souvent, souvent, espionner, je te compterai pas, c'est, je n'ai vu. Mais espionner toi, t'es espionné? Non, eux autres, ils m'espionnaient. Puis tout jeune, on faisait des grosses boules de neige, on faisait des grosses boules de neige dans le chemin, dans le bois. Puis quand on n'était plus capable de la pousser, là, on la laissait là. Puis quand on revenait, la boule était sur le bord du chemin. Puis on se disait, non, c'est du monde qu'ils ont poussé, tu sais, il n'y a pas de traces de rien, etc. C'est niaiseux! Mais il se passe des choses. Mais c'était quoi leur intérêt de pousser ta boule? Non, c'était peut-être des entités, c'était peut-être des intraterrestres, on s'en fout. L'idée, simplement, moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'il se passe plein d'affaires, qu'on doit cesser d'essayer de trouver des explications stupides. La rationalisation, la dissonance cognitive, j'en ai parlé souvent. La Terre est plate. Tout le monde dit ça. À un moment donné, il y en a un qui explique que la Terre est ronde à cause que ceci, cela. Les sceptiques de l'époque arrivent avec leur cartésianisme, ils vont être capables de démontrer que ce que tu vois est une illusion et que la Terre reste plate. Ils vont avoir raison dans ce qu'ils vont dire. Ils vont avoir totalement raison. C'est parce qu'avoir raison... À un moment donné, il faut que tu cesses de démolir tout ce que tu vois pour l'ajuster au sens que tu reconnais. Parce que pourquoi avoir raison, c'est si important? Pour lui-même? Oui. Mais pour la simple raison qu'il va falloir que le sceptique s'ouvre à d'autres choses. L'astral ne veut pas que tu t'ouvres à rien, parce que si l'humain s'ouvre, il va finir par voir carrément les scénaristes. Donc, ça va aller bien mal. Des petites marionnettes, là, moi, j'aimais tout, détestais ça, tout trouvé ça con. Ça me rappelait trop les manipulations, en tout cas. Des petites marionnettes, là, tu sais, les enfants, souvent, ils sont assis, ils font semblant d'aimer ça. Les bonhommes sont là, puis ils se tapent la tête, comme. Bon. Imaginez-vous maintenant, là, qu'il n'y a plus de décor. Les gars sont là avec les marionnettes. Il y a que les Japonais qui aiment ça. Bon. Mais là, les enfants vont être. Quand ils voient la gang en arrière, ou le gars avec ses bâtons, puis ses fils, tu sais, là. On aime plus ça. Bon, et c'est la même affaire pour l'astral. Tout le monde est relié avec des fils. Et à un moment donné, quand tu vois l'autre en haut, puis tu vois toute l'affaire au complet, crime, quand il vient t'engueuler, je crois pas qu'il t'engueule. Quand tu vois l'autre qui fait ça. Tu dis là, quoi? Hey, en haut! Tu gueules plus après l'autre. Tu change ton scénario. Et tu gueules plus après celle-là. Là, t'es la marionnette avec le bâton pour taper. Là, à un moment donné, tu essaies de taper sur l'autre en haut. Et quand tu vois tout. Alors, c'est évident que l'humain, on s'arrange astralement pour qu'il ne croit à rien. Même les yeux, avant. Il y a eu un temps où on ne croyait tellement pas au système oculaire qu'il y a un dicton qui était paru, c'était « Je l'ai vu de mes yeux vus ». Ou « Je l'ai vu comme je te vois ». Fait que l'autre, il peut difficilement dire « T'as rien vu ». Mais il est là. Bon. Parce que même là, l'être humain voyait des choses, puis quand l'humain le rapportait, tu sais, Christophe Colomb, il s'en va, il découvre un autre continent, il revient, j'ai découvert un autre continent avec des Indiens, puis du Bédin. Il n'y a personne qui croit. Il fallait qu'il ramène des sauvages. Puis là encore, là, on était sûr qu'il y avait, du monde, tu sais, c'est tout. Il pensait que c'était tout arrangé. C'est pas plus réel. Quand les individus ont commencé à découvrir les planètes, ils les ont refusées. Quand on a découvert finalement qu'à l'extérieur de notre univers, il y avait d'autres galaxies, parce qu'au départ, l'humain pensait qu'il y avait uniquement une galaxie, la nôtre. Bon, c'était des amas. Après ça, des amas globuleux. Et progressivement, ils ont fini par se rendre compte que cet amas-là, là, c'est une galaxie, c'est plus gros que la nôtre. Puis que finalement, dehors de notre galaxie, il y en avait plein. C'est le début du 1900. Mais au départ, les gens qui regardaient expliquaient ce qu'ils voyaient. C'était tout bien correct. Jusqu'à temps qu'un torieux, Albert Einstein arrive pour dire ce que vous voyez est tout bon. Puis c'est tout faux. Bon, puis lentement, l'humain, il va là-dedans. Mais du moment que ça regarde, les astrophysiciens sont les plus ouverts, même à la parapsychologie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement fait de donner le pion avec leur réalité expliquée qui était fausse. Très fonctionnelle. Mais c'est pas ça. Mais on peut l'utiliser de même. Ils le savent. Alors que la science, puis la majorité de l'humain, le bon citoyen, la bonne personne, le bon être humain, il doit rationaliser les choses. Mais lui se dit que c'est une mise en garde pour. Pourquoi qu'il refuse, là? Pour pas triper, pour pas que. Mais lui, il perde le contrôle. Il doit rationaliser comme ça. Ben oui. Ça fait encore partie de l'astral qui investit la personne. Mais voyons donc. Moi, j'explique clairement que ce que vous voyez, c'est pas des soucoupes volantes, parce que. Mais s'il y en avait des soucoupes volantes, il n'y en a pas, des soucoupes volantes! Bon, mais s'il y en avait. Tu ne peux pas être un sceptique, c'est un épais quand tu es un sceptique. Tu ne peux pas être un sceptique. Tu ne pourras jamais prouver qu'ils ne sont pas là. Non, mais moi, tu ouvres quoi vous prouver que ce n'était pas ça. Même si je n'étais pas là. T'sais, franchement. Parce que les autres, eux autres, ils défendent quelque chose quand ils font ça. C'est évident, ils défendent, mais c'est une mécanique typique de l'astral. C'est Uranus se lève à tel jour, puis ça peut donner ça. Mais ça me suivait. Et ça arrive qu'Uranus suit. Ça peut donner. Bon. Je suis rentré dans la maison, ça a traversé. Ah, ça, c'était un coup de main. Puis avec une poussière. Une poussière. Puis en plus, aviez-vous bu? Non, vous auriez dû. Mais c'est rare que du monde solide, on parlait de ça, par exemple. Parce que les gens qui voient ça ne se croient pas. Puis les gens qui sont solides en voient, mais ne vont pas en parler. Toutes les fois qu'on a invité du monde là pour les démolir à la télévision, si moi j'avais été là, on serait amusé en ce boulot. Et ils t'invitent pas. Mais j'irais pas non plus. Non, mais je parle pour. Mais non, ils m'invitent pas, c'est évident. Moi, je suis une personne honnête, raisonnable, je suis correct, mais ils pensent pas que je joue ça. Moi, là. Les conférences en fraternité, fait, moi, ils pensent pas. Je suis un gars correct, moi, là. Ils pensent pas que je suis invité à me faire. Donc, pour en revenir aux balises dont on parlait à la première partie, là. Ça serait une façon pour la lance d'admettre qu'est-ce qu'il vit. Mais de toute façon, il faut que l'humain admette. Tu te promènes dans le désert, tu ne sais pas où tu vas, Et à un moment donné, il y a un de tes sens là, qui dessine un chemin dans le sable. Et là, quand tu regardes comme il faut, tu dis, il me semble que je vois subitement les traces énergétiques mémorielles laissées par toutes les caravanes qui sont passées là de 800 ans. Comme la majorité des humains ont bâti des villes sur les anciennes villes, il y a de fortes chances que dans le désert du Sahara, on s'en sorte en suivant la trace mémorielle sablonneuse des anciennes caravanes. Mais là, si les autres voient que leurs yeux, tu sais, ils vont avoir des... Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a une caravane qui est passée là? Que tu rationalises. Bien, regarde la forme des dunes. Le sceptique va dire, hey, le vent, t'es charré les dunes, tu sais, ça a changé de... Bien, c'est qu'il y a... Avec un autre sens. Ah, par satellite, aujourd'hui, on est capable de découvrir les traces des vieilles caravanes. Okay? On est capable de découvrir, dernièrement, ils ont découvert un site qui était légendaire. Pourquoi? Parce qu'apparemment, à telle époque, les gens allaient là souvent par grand nombre. Alors, par satellite, avec différentes lumières, avec différents radars, ils ont fini par découvrir des anomalies visuelles au niveau des longueurs d'onde, très, très, très linéaires dans certaines régions. Et puis, ça convergeait vers des places. Puis, ils ont envoyé du monde, des explorateurs là, puis ont découvert les ruines de la ville. Mais ils savent très bien aujourd'hui que les traces qu'ils voient là, ce sont effectivement de passage, c'était des chemins qu'il y avait là avant, qui ont été tellement piétinés. Ça a transformé légèrement la morphologie, donc la géomorphologie du site, pendant des 100, 100, 200, 300, même, non, 800, 900, 1000, 1500 ans. Ça l'a suffisamment altéré pour qu'il soit repérable avec des longueurs d'onde particulières. Et quand c'est l'être humain qui est là au sol sans appareil... Mais ça, j'allais dire, encore une fois, on fait plus confiance aux appareils qu'aux humains. Ben oui. Mais pourtant, un Touareg perdu dans le désert, il va se retrouver. Lui, il va t'expliquer que c'est son pif, son intuition qui est guidée. Là, c'est les anciens qui font ce qu'ils voudront. Mais lui, il a une ouverture à d'autres sens qui vont faire en sorte qu'il s'en sort. Puis l'être conscient, l'être transitif, c'est pas un tripeux, c'est pas un flagué, c'est pas un être qui croit facilement. C'est un être qui est capable d'ouvrir ses sens dans d'autres longueurs d'onde de l'univers qui nous entoure, puis de s'en servir. Tu vois des choses. Bon, et tu c'est évident que tu t'en sers. Tu t'en vas pas, par exemple, à l'époque, disons, voir des autochtones très, des indigènes sauvages, là, mettons, 800 ans, 8000 ans, tu te descends pas dans le temps, là, 8000 ans, avec une boussole, puis tu commences à leur expliquer le magnétisme planétaire, c'est pour ça que toute ta rationalisation va servir contre toi. Tout ce que tu as à leur dire, c'est que c'est par là qu'il faut aller. Bon, au pire, tu peux spiritualiser. Il y a l'étoile en haut, là, la croix du sud ou l'étoile polaire, dépendamment de ce que tu es. Puis ça, si tu suis ça, ça te donne une indication. Ah, les dieux ont mis ça là. Ça, c'est correct. Mais tu n'arrives pas avec un appareil qui t'indique l'endroit où vivent les dieux, tu sais, là. Tu as beau tourner ça comme tu veux, là, puis ça fonctionne. Tu peux pas. Donc, les conscientisés, les conscientisables, on a parlé de différents phénomènes. Est-ce qu'ils vont être susceptibles ou pas susceptibles? Est-ce qu'ils peuvent vivre d'ici la prochaine année? J'aime pas quand on parle d'année parce que les gens ils passent 11 mois niaisés, 12e mois, ils espèrent que les prophéties de l'année vont arriver. Puis si ça n'arrive pas, ben c'est... Mais c'était pas vrai. Tu sais, mais l'année, là, c'est 12 mois. Si vous niaisez 360 jours, ben les 5 jours qui restent, là, additionnez-en 360 jours, là, ça va faire un an. Ça veut dire plusieurs années. Il n'y a pas d'année. Astralement, l'astral est présentement au Québec, dans sa stratégie, c'est prévu de cesser de harceler les individus qui vont être suffisamment centrés chez eux, puis qui auront suffisamment d'écœurement. Mais c'est évident que l'individu qui se détache de l'astral, puis qui ne se centre pas et ne se branche pas carrément avec lui dans l'application matérielle des choses, bon, tu déconnectes de l'astral, puis t'attends. C'est pas ça. Il faut des êtres dynamiques. Mais l'astral est prêt à en laisser. Elle va tout faire pour occuper le monde, mais elle est prête à en... C'est prévu d'en laisser aller. Une bonne chose. Maintenant, pour que l'individu puisse se retrouver complètement, il doit nécessairement développer ses autres sens. Vous savez, se fier à un prophète. Ah, le mont tremblant, telle année, au mois de mars 1993, pour ces des choses particulières. Ah oui, c'est pas ça qu'il faut faire. On a plein de sens. À un moment donné, il y a des sens qui lisent partout. On est relié à l'astral, au plan vital, au plan supramental, au plan matériel, par nos sens. On a des sens. Puis, dans le sens, dans le plan matériel, c'est là qu'on a le moins de sens. Il y en a plus au fur et à mesure qu'on va dans des niveaux plus hauts. Alors, à un moment donné, tu sais, tu comprends les mécaniques. On se rend compte tous les deux qu'on se dit, « Hey, le mont Tremblant, dans 3 semaines, ça va être génial. » Et moi, moi, j'ai pas pensé. Et là, immédiatement, je vérifie. Ouais, c'est vrai. Bon, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de particulier. Puis on n'est pas deux tripeux. On en parle à quelqu'un d'autre et dit, ouais, moi, ça fait 3 soirs que je rêve de ça. Chacun va, à sa façon, fouiller dans ses sens, s'arranger. Moi, je suis capable de le faire instantanément tout de suite. Il y en a d'autres qui vont le faire différemment. Bon, ça, c'est pour les sens, mais pour ce qui est des phénomènes dont tu as parlé, les rencontres transtemporelles, les rencontres avec des intraterrestres, est-ce que les... Regarde, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu te promènes dans une région particulière, et à un moment donné, il y a un de tes sens, un capteur qui te fait dire qu'il y a une présence extraterrestre ou transtemporelle là. Et là, immédiatement, tu te rends compte, tu regardes ta carte, là, c'est 2 kilomètres dans le bois. Et qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ah, oh, pas là, rencontre transtemporelle. Tu dis, on va voir... On va en vivre une plus près, tu sais. Immédiatement, tu ne croiras pas. Puis là, si tu te déplaces pour y aller, tout le temps que tu te déplaces, tu te défais. Qu'est-ce que tu fais? Tout le temps que tu te déplaces, ça n'a pas de suite d'allure. Tu peux être épais, marcher, tu sais, monter une côte, traverser un lac, tuer des maringouins pour aller rencontrer un astronaute qui vient du tu sais, en faut tuer de tartare. On va te magaler tout le temps. La problématique, c'est que tu fermes toutes les portes à tes sens. Fait que si tu resterais ouvert, probablement qu'à un moment donné, tu... Non, merde, ils viennent de partir. Donc, c'est pas... Les autres étaient pas là pour te rencontrer. Ils étaient là. Bon, ils t'ont perçu, ils ont sacré leur camp. Mais si tu fermes tes portes, quand tu arrives, là, il n'y a rien, là. Bon, mais ils devraient laisser des traces. Voyons donc, tu sais, rien que des vues maintenant. Ça fait longtemps que les extraterrestres, les transtemporels, ils viennent pas atterrir sur une horde de caribous pour les écraser. Mais c'est évident qu'ils vont se placer au-dessus d'un lac. Bon, mais quand ils s'en vont, il n'y a plus de traces. Le lac n'est pas tout luminescent avec des vagues de boue, tu sais. Ces images sont les mêmes. Si tu restes ouvert à tes sens, en t'en allant, tu vas subitement avoir l'impression que ça vient de partir. Ou que c'est toujours là. Ou qu'en t'approchant, c'est plus là. Et là, ce qui va arriver à un moment donné, tu vas te dire, crime, tu sais, c'est plus là, ça fait 3 semaines, tu sais. Tu te fais niaiser par l'astral. Écoute. T'as-tu demandé s'il voulait te voir? Peut-être qu'il saute. Il y a peut-être une présence transtemporelle ou extraterrestre, puis qu'il se déplace, parce qu'il y a un humanoïde qui s'en vient. Il y a un têtu qui s'en vient. Mais il se déplace. Mais quand tu dis que l'astral a prévu de laisser libre les humains, est-ce que, entre autres, dans les prévisions, c'est quand l'humain s'en va pour justement rencontrer... Uniquement l'humain qui décide de se prendre en main, puis qui a la capacité pendant quelques semaines de maintenir sa réalité, ben, l'astral ne droguera pas ses enfants, ne tuera pas son automobile, ne le mettra pas dehors de son emploi. Avant, l'astral harcelait. Mais là, c'est prévu dans les plans astraux 93 québécois que si un individu résiste trop, on va le laisser aller. Mais c'est ça, mais même de le harceler lui... C'est plans manipulateurs au niveau réincarnationnel. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ensemble de l'astral n'ira pas l'écœurer. Bûcher dedans. On le sait. Ah, mais il peut quand même encore être harcelé, lui. Oui, par lui-même, par sa médiocratie. Mais c'est ça, mais justement, dans l'exemple de l'astronef, là. Et, ben, dans l'exemple de l'astronef, c'est que tout le long, on va s'en aller, lui, qui ne croit pas à rien. Mais il va être encore investi de harcèlement astral dans sa tête, ou il peut être... De lui-même. S'il est pur avec lui, non. Si vous acceptez de vous ouvrir à la réalité de la création, puis pas croire facilement. J'expliquais vendredi, tu vois un mirage. C'est un mirage. Pense pas voir du mirage. Quand tu arrives là, il n'est plus là. Tu dis, bon, tu rejettes pas tout. Tu ne prends pas à courir chaque fois que tu vois quelque chose. Il faut que tu analyses tes sens. J'entends un bruit, il me semble que c'est un bruit de scie métallique en plein milieu de la forêt vierge. Des animaux qui font des bruits même. Mais tu ne penses pas, tabarnouche, j'ai mis ma planche, je m'en ai fait couper ça pour mon petit chalet. Quand tu arrives sur le bord du lac, il n'y en a pas. Ah, mais c'est fourré. Tu entends des grenouilles, ça fait tong, tong, tong. C'est pas une petite barre de métal avec quelqu'un qui tire ça, puis tu fais. C'est. Bombarde. Bombarde, c'est ça. Il faut que l'humain comprenne les choses. Les sens sont là, puis ton interprétation, vu qu'il te manque d'informations, quelqu'un qui ne connaît rien d'autre là, que le singe. Mais quand il voit un hélicoptère, c'est un dieu. Bon, quand il voit un volcan, c'est un dieu. Le peu d'informations qu'il a quand il essaie d'analyser, lui, il place, il ajuste. L'humain, c'est la même chose. L'humain, c'est qui se ferme ou qui est fermé à l'extérieur du monde matériel, depuis qu'il est au monde, depuis qu'il est sur la planète, chaque fois qu'il perçoit des choses, il essaie de les incorporer à sa réalité. Nécessairement, il peut se faire avoir souvent. Ça, mais donc, si un humain voit quelque chose de nouveau parce qu'il vient d'ouvrir un sens, il ne croit pas que c'est Dieu. Mais non, il doit même se dire, tabarnouche, c'est intéressant. Il devrait se poquiser. Fascinant. C'est tout. Tu relaxes. Si la chose vient de parler, c'est fascinant. Extraordinaire. Bonjour. Là, ça dit bonjour. Là, ça te tend la main. Tu dis, je ne peux pas serrer votre main. Là, la chose te dit, c'est un acte de belligérance. Dis, écoutez, belligérance ou pas, je tiens ma main. Puis moi, je suis un autochtone qui prend son temps. Là, il t'offre des chips. Là, tu sais pas si c'est comestible pour toi. Là, tu fais-moi confiance. C'est pas une question. Deux mondes se rencontrent, vous plug, ben on va attendre. Puis moi, je vais y aller à ma façon à moi. Je t'ai insulté, écoute, rencontre-en d'autres, il y a plein du monde ici qui vont bouffer tes chips. Ils vont même te bouffer la main. Tu veux être, ne pas croire trop facilement. Après ça, tu dis, crime, j'ai eu une drôle d'illusion. Non, j'ai rencontré quelqu'un. C'est-tu un intraterrestre? Je le sais pas. Peut-être. C'est-tu un homme en noir? C'est-tu un homme en blanc? Une femme en vert? Je sais. Il faut que l'humain apprenne à relaxer. Il y a tellement, tellement, tellement de phénomènes que l'humain ne connaît pas. Juste en termes d'entité de la nature ou de présence entitaire planétaire, il y en a. Cataloguez ça, là. Quand on aura fini de cataloguer les insectes, comparativement, on aura à peu près fait le travail d'un insecte pour cataloguer les entités. Bon. Les entités manipulatrices puissantes, c'est catalogable. Mais tout ce qu'il y a comme phénomène, on n'est pas sorti du monde. Alors, l'humain doit faire attention. Parce que surtout s'il y a des rencontres avec des transtemporels, il va y avoir une recrudescence de rencontres avec des intraterrestres qui vont se faire passer. Ça, c'est évident. Puis la majorité des rencontres, au départ, se font à travers d'autres sens. Avant d'être sur le plan physique. Oui, exactement comme si l'intraterrestre peut se présenter à vous directement. Bon, des bébites bizarres, il y a différentes façons, il peut te kidnapper. Ils peuvent se présenter à vous directement. Ou vous pouvez les voir par inadvertance. Bon. Ça, c'est les intraterrestres. Le transtemporel, lui, c'est un être, c'est nous autres. C'est l'avenir. Ce sont des êtres désinhibés qui nécessairement ont en très, très, très haut respect ce qui existe. C'est pas spirituel. T'as déjà dit que les intraterrestres. C'est pas long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de se présenter à toi, il doit se frapper à toutes tes portes. Et tu dois lui ouvrir les portes. Tu sais, il ne peut pas arriver là et te ramasser. Un être transtemporel va venir uniquement s'il est invité. Donc, si t'es pas s'il est été. Il faut que tu sois désinhibé avec toi-même. Oui. Ça veut dire qu'il faut être d'autres sens. À un moment donné, tu vas sentir la présence de quelque chose qui va entrer en contact. Oh oui, viens. Il ne vient pas, il ne veut pas te têter. Bon, il ne veut pas se faire têter. Alors, à un moment donné, tu sens, c'est là, ça vient, il y a une atmosphère à ça. C'est un sens. Bon, mais c'est peut-être quelque chose qui est passé pour quelqu'un d'autre. C'est, présentement, il y a tout un paquet de constructions dans le domaine supramental planétaire qui est en train de se faire. Il y a du monde qui perçoit. Bon, mais t'es pas là à... est-ce que tu m'envoies une vis? Et tu bois une planche? C'est pas ça l'idée. Mais tu dois laisser tes sens s'ouvrir. Mais nécessairement, en voulant ouvrir des sens, tu vas ouvrir le troisième œil. Tu vas commencer à voir des entités. Tu vas voir, c'est normal. C'est tout. C'est normal, c'est naturel, c'est là. Bon. Parce que ça, les êtres transtemporels sont plus hauts énergétiquement. Donc, quelqu'un qui commence à ouvrir ses sens, ça peut prendre un certain temps avant qu'il en voit. Oui, mais il va percevoir. On perçoit normalement assez rapidement, c'est le décodage qui est compliqué. Par exemple, tu rencontres un enfant, par exemple, tes professeurs. C'est le début de l'année scolaire, tu vois tes jeunes la première fois. Dans ta gang, il y en a un, tu es sûr qu'il vient de l'avenir. Là, tu veux l'aider, tu veux lui expliquer, tu veux un instant. Ça se peut qu'il y ait un être transtemporel, lui, dans l'avenir, qui essaye d'entrer en contact avec lui. Si tu arrives là-dedans, toi, là, puis tu viens de fou. Il faut que l'humain le relaxe. Fait que progressivement, tu vas aussi ouvrir des portes. Fait qu'en ouvrant juste une porte banale, l'être transtemporel qui communique avec lui va maintenant commencer à communiquer avec toi. Parce qu'il va se rendre compte qu'il y a un allié ici. Mais l'humain doit y aller délicatement. Mais moi, la première chose à faire uniquement, là, c'est d'accepter de découvrir le reste de l'univers. C'est le minimum. C'est pas de triper. Tu fermes tes yeux pour t'endormir, puis fais juste regarder. T'sais, pense à regarder, c'est tout. Là, tu vas voir un bébé, tu vas voir, par exemple, une personne en train de le faire sa vaisselle. D'un coup, la vaisselle, elle approche. Fais juste regarder. Laisse le cinéma aller. À un moment donné, tu rentres dans la vaisselle. À un moment donné, c'est plus la vaisselle. C'est tout difficile à voir ce que tu vois. Essaye pas de voir. Mais non, ça, c'est peut-être... C'est ça le problème de l'interprétation. Laisse faire, regarde. Ah, c'est rouge. Parle pas, regarde. Bon. À un moment donné, bien, subitement, tu vas voir d'autres choses. Puis là, tu es en train d'ouvrir un sens. Là, si tu fais ça uniquement comme ça, puisque je vous dis là, ça marche, c'est merveilleux. Tout ce que tu fais quand tu fermes les yeux puis tu fais juste regarder, tu développes les sens. À un moment donné, ça va être pouf d'un canal astral, tu vas te retrouver dans le passé. À un moment donné, pouf un canal astral, tu te retrouves ailleurs dans le présent. À un moment donné, pouf un canal astral, tu te retrouves au pays d'Alice, au pays des merveilles. Fais juste voir. C'est des sens. Tout ça existe. À un moment donné, pouf, c'est un transport séraphique vers le temps, vers l'avenir. Ou vers le passé. Mais fais juste regarder. Analyse pas. Je répète, tu regardes un film à la télévision, tu étais tout en train de le définir, tu vis, il y a ça. Là, il se lève, là, il ouvre l'armoire, la cuisine, là, il se prend du lait. Franchement, ferme ta gueule, tu regardes le film. L'humain, c'est ce qu'il fait. L'humain, il se remet dans le bois, là, puis là, il est là. Ah, puis il faut qu'il interprète tout. Dans un premier temps, c'est pas de savoir si c'est un voyage astral ou un transport séraphique ou c'est pas de se poser ces questions-là. As-tu déjà essayé d'écouter un film en anglais en essayant de tout comprendre ce qu'il dit, là, mot sur mot, là? Tu comprends plus rien. Bon, ben c'est la même chose, tu peux pas comprendre le film. Le langage de tes autres sens, c'est un langage qui t'amène plein d'informations. Puis si t'es là en essayant de tout interpréter au complet, à un moment donné, là, quand tu écoutes un film en français, il dit, le gars qui dit « Oh les mains! » Tu dis pas « Oh les mains! » Tu répètes pas tout. Tu ne pourras plus suivre. C'est tout à niaiser. Bon. Mais il dit, oh les mains, tu sais tout, mais tu n'as rien décodé. Fait que tu peux tout suivre le film au complet parce que tu sais tout, mais tu ne décodes rien. C'est imprégné. Bon, dans le voyage, c'est la même chose. Regarde les choses. Décris-les pas. Regarde-les. Puis tu te branches. L'important, c'est d'accepter ce que nos sens nous amènent. Pas croire facilement. Et pas... Ne pas croire. La question de croyance, c'est sûr qu'on laisse tomber. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit cesser de rationaliser tout le temps pour essayer de ramener à cinq sens la vision de quelques milliers de sens. Ça n'a pas de sens.